Je m'appelle Maïté Achéri et je suis présidente de l'association Escandrail, association que nous avons créée il y a 16 ans donc pour développer un espace de création culturelle en Pays Basque. Pourquoi un espace de création culturelle en Pays Basque ? Parce que, disons qu'il existait des espaces de diffusion culturelle, mais des espaces de création, il y en a très peu. Et donc c'était un groupe d'artistes et d'amis de ces artistes qui voulaient créer eux-mêmes un espace pour qu'ils puissent agir comme ils le désiraient, comme ils le souhaitaient. Et quel était ce souhait, en fait, c'était de développer la culture basque sur les bases de nos racines, évidemment, que nous avons bien plantées en Pays Basque, mais en nous ouvrant au monde entier. En ne restant pas renfermés sur nous-mêmes, mais on est bien persuadé que la culture de tout peuple se développe en croisant celle des autres. Et c'est pour ça que nous avons créé Erobiko Festivala. J'ai été bercé par les vocalises silencieuses de mes ancêtres. Et je sais que cette voix jamais ne se taira. Bonjour, je m'appelle Jean-Christian Irigoyen. Je suis originaire de Gamart, Basse-Navarre. Me souhaitera d'être digne héritier de ce peuple nomade, d'être doué à Abidjan et à l'enfant peul. Oui, je m'appelle donc Kamel Zekri. Je suis donc un des membres du Diwan de Biskra, donc un ensemble de musiciens gnawa de l'Algérie et de la ville de Biskra. Voilà, donc c'est là le point de départ pour moi. Et ensuite, mes parents sont venus vivre en France. Donc j'ai passé beaucoup de mon temps entre la France et l'Algérie. Et puis voilà, donc je me suis construit avec des pratiques musicales que je croisais en France. Et puis on a construit avec mes cousins. Donc on a continué la construction de la pratique musicale que nous ont transmis nos parents. Descendant de Bilal, Issa Dirolé, le bien nommé. Djaram Asisoko. Le développement, c'est-à-dire, bon, dès le départ, nous sommes partis donc de ces principes-là, c'est-à-dire qu'on a invité des artistes qui venaient de l'extérieur, et il se trouve que dès la première année, nous avions invité des Africains. Cette année aussi, nous sommes sur des rapports entre Eshkwaleri et Afrique. Afrique, alors c'est bien large de parler de ça, parce qu'il y a tellement de peuples en Afrique, certains pays d'Afrique, disons, avec lesquels nous avons des relations. Parce que c'est un festival qui se développe pas seulement comme ça sur des idées, mais aussi sur des relations véritablement amicales et profondes qui se créent entre artistes et amis d'artistes, évidemment. Et c'est donc une histoire artistique et une histoire d'amour, une histoire d'amitié. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est développé. Et en dehors des créneaux, des critères commerciaux, qui sont malheureusement ceux qui priment partout actuellement au niveau de la culture, si on ne fait pas quelque chose qui paye, ou quelque chose qui rapporte, ça ne marche pas, nous avons pris le contre-courant de tout ça. Et nous ramons depuis 16 ans à contre-courant, justement par rapport à tout ça. Et je crois que ça correspond aussi à un besoin et à une nécessité de la part de beaucoup de gens et beaucoup de spectateurs et du tout public, enfin des gens. On ne dit pas d'ailleurs spectateur, on dit spectateur. Parce que effectivement, on essaye de les intégrer dans la démarche active par rapport à ce développement culturel. Alors bon, réussir ça, c'est pas facile, mais on essaye. Et je dois dire que dès le début, quand même, dès 1996, donc, on a eu d'emblée un public qui a répondu présent et qui continue à répondre présent, alors que nous sommes quand même, je dois dire, j'oserais le dire ici peut-être, assez peu relayé au niveau de la presse. Alors, j'ai pas en tête combien de fois je suis venu ici, mais je peux dire que je suis venu donc 3 fois avec le Diwen. Et j'ai dû venir moi-même 3 fois, je pense, en dehors du Diwen. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Ou... Qu'est-ce qui me fait revenir ? Ben, ce qui me fait revenir, c'est l'amitié, c'est... Il y aurait plein de choses à dire. C'est l'état d'esprit, c'est se sentir bien. Voilà. Venir jouer avec le Diwen ici, c'est des souvenirs, c'est... Ouais, c'est des rencontres, voilà. Et en plus, je rajouterais, même si c'est pas ici, mais il y a eu Bayonne aussi, la fête de la musique, donc voilà, c'était aussi... Et puis, il y a eu l'Algérie, voilà, oui, à Naba, oui, de chanter, de jouer avec Beignat. Non, ça fait une longue aventure. Mon cheval bute contre des crânes joués à la marelle. De la rouille. En fait, je me rappelle des premiers Robico Festivala, il y a 16 ans en fait. Et j'ai toujours été par là, quoi, en fait. Plus ou moins impliqué, suivant les périodes, quoi. Mais j'ai toujours cru à ce festival, en fait. C'est-à-dire que je crois que ce festival, il part de bonnes intentions. C'est des intentions de rencontre. Il s'agit que les gens se rencontrent, se retrouvent, et c'est ce qui se passe en fait. Et alors on va le dire pour les artistes, on va dire les artistes vont se rencontrer sur scène, il va y avoir des créations, des mélanges, ou ben voilà, c'est une dynamique, et en réalité c'est ce qui se passe aussi après avec le public. Le public se rencontre, on le voit, depuis quelques années les gens ils viennent l'après-midi, ils sont là. Mon cheval se cabre dans un orage de nuages, qui sont des putréfactions de chair à naufrage. Mon cheval hennit. Mon cheval hennit dans la petite pluie de rose que fait mon sang dans le décor des fêtes foraines. Mon cheval bute. Bien sûr, un festival à Itsassou, c'est un petit village. Hein, on a choisi d'être sur un petit village, sur Itsassou. Pourquoi ? Parce qu'on y a des racines personnelles. Hein, plusieurs d'entre nous y ont des racines personnelles. Donc on a choisi ce village aussi pour sa beauté, parce que au niveau du paysage aussi, c'est un paysage qui fait partie, disons, vraiment de du Pays Basque, dans ce sens où c'est l'une des premières fractures dans le paysage quand on vient de la côte, hein, c'est la montagne. On est déjà dans la montagne. Hein, ici, il y a des brebis. Il y a une culture pastorale qui continue d'exister, hein, à Itsassou. On est près de la côte, mais on est déjà, et encore, je dirais, dans cette culture-là. Donc on a choisi Itsassou pour ça. Et je disais, Itsassou, bon, c'est petit, bon, c'est quand même un peu loin de la côte. Et au niveau des médias, eh bien, on n'en parle pas beaucoup, pas assez, hein, je pense. Ça fait rien, on continue, et ce qui fait plaisir, c'est que le public, il est là. Mais ça, pour moi, ça confirme des choses. Ça confirme que, d'abord, il faut être bien enraciné pour pouvoir être libre de partager. Hein ? Et le travail que j'ai fait moi avec le Diwen, ça a été un travail justement de retravailler nos pratiques, hein, nos racines, en dans un premier temps en retravaillant déjà nos répertoires, mais dans un deuxième temps en allant dans les pays autour de chez nous. On a été chez les Tunisiens, on a été au Niger, on a été au Mali, on a été en Mauritanie, on a été au Maroc, donc les pays qui sont là autour de nous, pour rencontrer les pratiques qui se font un peu comme les nôtres, c'est-à-dire avec des cérémonies, voilà, des trans et des rapports au génie. Donc ça, on l'a fait. Et de l'autre côté, on a donc fait des rencontres qui sont des rencontres d'autres pratiques musicales qui n'ont pas du tout les mêmes racines, et donc de jazz, d'improvisation, de musique contemporaine. Voilà, on a fait d'autres rencontres. Et du coup, ça n'a jamais posé de problème pour nous, parce qu'à partir du moment où on s'est bien senti enraciné dans nos pratiques, ça nous a semblé quelque chose de, je veux dire, qui nous apportait, qui nous enrichissait et qui permettait aussi de partager. Et je trouve que le festival, eh bien, d'être ici en Pays Basque, de sentir justement cette racine bien ancrée, bien solide, eh bien, ça confirme ce que je disais, dans le chemin que j'ai eu, en voyant ce qui se passe ici, cet état d'ouverture, cette possibilité justement de pouvoir inviter d'autres cultures et d'autres rencontres. Et c'est ce que nous, on va encore faire ce soir ici, ce que Benyat nous a proposé. Parce que je pense que justement, voilà, il y a des choses qui sont bien ancrées, qui sont bien claires. Et ça, c'est le chemin d'une vie de chaque individu. On passe notre temps à bien consolider tout cet aspect-là de racines pour pouvoir justement être comme ça, pouvoir aller vers les autres dans une sorte d'état de paix intérieure. Hein, et c'est ce que je ressens là avec le projet du festival, voilà. Il faut frotter sa cervelle à celle d'autrui, quoi, en fait. C'est des vieux principes, en fait. C'est Montaigne qui disait ça, je crois. Plus on reconnaît l'autre, et plus on se reconnaît soi-même. Et inversement, plus on se reconnaît et on se connaît, et plus on peut accepter l'autre, en fait. Le problème, le grave problème, c'est de ne pas du tout être dans des problématiques comme ça, de vivre les choses dans l'instant, dans une espèce de, je sais pas, presque d'animalité bizarre, quoi. C'est très grave, en fait, et pourtant ça existe. Mais il faut se connaître, il faut savoir qui on est, il faut théoriser son existence. Alors, Itsasu et l'Afrique, je dirais que plus que Itsasu et l'Afrique, c'est Itsasu ou le Pays Basque, hein, et le monde, hein, parce que bon, cette année, c'est l'Afrique, d'autres années, c'était l'Amérique. Première année aussi, on avait invité des Indiens d'Amérique, hein, dont un très grand poète, Barney Bush, qui, du haut de la colline d'Oursoumou, à l'aérodrome d'Itsasu, récitait ses poèmes sur la résistance des Indiens en Amérique. Et ça, bon... C'est l'ouverture au monde, quoi. Hein, voilà. Donc, cette année, l'Afrique, pourquoi l'Afrique ? Nous avons des connaissances parmi des artistes africains qu'on a fait venir déjà plusieurs fois à Itsasu, à Aerobico Festivala. Et cette année, Germaine Akoni, qui est une grande danseuse du Sénégal, danseuse qui a créé l'école de... une école au sud de Dakar, qui a été danseuse de Béjar, hein, des ballets de Béjar, donc dans la danse classique et contemporaine européenne, et qui connaissait très bien d'autres danseuses avec qui elle a dansé, donc qui sont venues à Itsasu, dont une qui était une amie, hein, Anne-Marie Reynaud, qui a malheureusement disparu il y a 2 ans, et qui nous a fait connaître beaucoup de danseurs contemporains. Hein, c'est Benyat qui la connaissait, Benyat Achéri, hein, qui, de par ses concerts, hein, qu'il a en France, dans le monde, à l'occasion, en Europe, à l'occasion de rencontrer quand même pas mal d'artistes. Et donc, cette danseuse, Anne-Marie Reynaud, nous a fait connaître plusieurs... personne, et dont un danseur africain qui s'appelle Chrysogon Diangwaya, qui était déjà venu donc il y a quelques années, hein, un danseur congolais. Il est là aussi cette année. Anne-Marie avait été élevée, elle, en Afrique quand elle était jeune. Et enfant, elle a eu une nounou africaine. Elle était presque de double culture, on va dire. Hein, mais blanche, hein, ses parents de parents français. Mais elle considérait les danseuses qu'elle avait rencontrées dans le ballet de Béjar ou bien l'Opéra de Paris, elle se considérait comme 4 sœurs. Hein, et 3 d'entre elles-mêmes et 2 autres étaient déjà venues faire des créations à Itsasu. Germaine Akoni n'était jamais venue. Donc elle a décidé, elle a demandé, Germaine, elle a demandé à Beignat de pouvoir venir présenter sa création ici cette année. Et du coup, toute la programmation du festival de cette année s'est faite autour de cette proposition. Ça paraissait évident. S'il y a Germaine Lacogny, c'est super, on va faire toute une programmation autour des relations entre des artistes du Pays Basque et des artistes africains et essayer si on peut de faire des créations communes. Donc ils ont travaillé ensemble, certains, toute la semaine en résidence ici à Itsassou. C'est en même temps une famille, c'est ça. Et c'est un esprit effectivement très chaleureux, familial, sympathique. Et les gens, quand ils viennent ici, voilà, c'est ça qu'ils nous disent. Il y a une ambiance qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Voilà. Alors bon, cette ambiance-là, bon, ben, je ne sais pas, là, vous voyez, les gens sont sur le pré. Il y a dans l'après-midi des concerts sous chapiteau qui sont gratuits. On peut prendre un pot, il y a un bar, des tables installées, on peut écouter de la musique, de la bonne musique, avec ses amis ou la famille. Il y a plein d'enfants qui courent par-ci par-là parce que c'est un espace où il n'y a pas de voiture. C'est très tranquille de ce côté-là. Et un espace convivial, je dirais, voilà. Et ensuite, dans la journée, les gens, après les concerts, les gens mangent. Il y a des repas collectifs, des grandes tablées, avec un bon cuisinier qui nous prépare de bonnes choses. Aussi, c'est important, la gastronomie. Il y a aussi des parties de pelote à la place d'Itsassou. Il y a des soirées de concerts. Hier soir, par exemple, il y avait une ambiance fantastique avec Germaine Lacogny, dont je vous ai parlé. Et à la suite de Germaine Lacogny, on avait Monica Passos, qui est une chanteuse brésilienne, des catégories, comme on dit, vraiment extraordinaire. Elle a un charisme fou et elle a mis le feu à la salle, quoi. Tout le monde était debout et des bis, c'était c'est quelque chose d'assez fantastique. Elle nous a rechanté Atahualpa Yupanqui, elle nous a rechanté Violeta Parra, des chants de son pays, et puis la danse brésilienne, tout ça. Enfin, c'était la joie. C'était une joie, effectivement. C'est presque, je sais pas, des prétextes en fait. C'est une fête, c'est quoi? C'est un prétexte pour se retrouver en fait. Une occasion, c'est un moment où on peut célébrer des choses, la rencontre, on peut célébrer les autres. C'est des moments suspendus et c'est ça qui est bien. Alors à la base, effectivement, plus on est ancré au Pays Basque et plus on peut, je veux dire, considérer les autres choses aussi. Parce que... je veux dire des choses comme, je sais pas, le rejet de l'étranger ou des choses comme ça, c'est des choses complètement idiotes en fait et qui ne devraient même pas exister en fait. C'est tellement bête parce que l'étranger, on peut d'autant plus le recevoir que en fait nous-mêmes on est étrangers en réalité quelque part. Donc c'est, je sais pas, ces choses-là, ces mécanismes, moi, c'est un peu comme les arbres, en fait. Je pense que les arbres, plus ils ont de grandes racines, et plus ils peuvent développer un grand branchage. Ah bien sûr, après, chacun son domaine. Moi, je pense que ça, c'est... Nous, la culture, la chance qu'on a, c'est qu'on fait un travail où... tous les gens, tout le public est composé des gens qui constituent toute la société, donc ils ne sont pas obligés d'être musiciens ou comédiens ou peu importe, au contraire, ils viennent là et ils sont là dans ce partage, dans cet échange-là. Et après, je pense que voilà, quoi, dans l'idée que ça soit une philosophie qui se partage en tout, dans la vie de tous les jours. C'est une sorte d'idéal, hein. Bien sûr, on a ça comme une sorte d'idéal, mais on voit que ça se vérifie, on le voit, je veux dire, de nos yeux, quoi. On le voit qu'on peut être de différentes cultures, on peut être de différents horizons, avoir des pensées différentes, mais partager des moments, partager des choses ensemble. C'est l'identité présente et l'identité basque pour nous. Cette identité basque, elle est illustrée par les artistes basques qui sont présents, effectivement, et qui chantent en basque, ou qui disent des poèmes en basque, ou des lectures en basque. Et tout ça se côtoie avec les autres cultures. Bon, par exemple, le groupe Yalinga, qui est un groupe donc, de jeunes, qui a joué jeudi soir, ils développent une musique qu'ils appellent Afro-Squal Jazz. Ils ne savent pas trop comment la nommer. Et en fait, il y a deux des musiciens qui ont passé quelques mois en Afrique, sur plusieurs années différentes, et qui ont joué tout le temps avec des maîtres africains là-bas pendant des journées entières et des nuits, avec des maîtres africains au Congo. Donc, occasion qu'ils ont eue par le fait qu'ils ont connu des artistes ici qui étaient de là-bas et qui les ont accompagnés ensuite, qui leur ont proposé d'aller là-bas. Donc ce sont des ouvertures quand on a 16 ans et qu'on a une proposition comme ça d'un artiste de Brazzaville qui vous dit d'aller dans sa famille là-bas et d'aller passer 2 mois à Brazzaville pour jouer tous les jours avec des maîtres africains, ça ne se refuse pas. Et donc ça, ils l'ont maintenant. Ils disent qu'ils sont en même temps basques et en même temps, ils sont capables aussi de chanter en lari. Le lari, c'est l'une des 50 langues de Brazzaville, 50 langues. Et le lari, c'est une langue que l'on peut peut-être, on peut faire un parallèle par rapport à la langue basque. C'était une langue qui était mise de côté et qui a résisté et qui est de plus en plus parlée. Et donc, Doulen chante en basque et il chante aussi en lari. Voilà. Alors bon, c'est ça, c'est être, c'est la valorisation de notre culture basque, mais aussi de toutes les cultures, quoi. Et en profondeur, avec ce qu'elle signifie personnellement pour chacun, avec la sensibilité de chaque personne, quoi. C'est pas des dogmes, c'est pas de la politique. C'est vraiment quelque chose de ressenti à partir de ce qu'on vit, quoi, humainement, tous.